si uno llora igual a bueno si viva eh oh. Depuis que je t'ai vu, je pensais que j'étais au paradis. Ta beauté sublime empêche du port du jean slim. Ton parfait me tue, t'inquiète, je suis un muslim. J'aime bien te faire rire, tu kiffes trop mes délires. L'amour est plus fort, j'ai envie de te caresser. Mon cœur bat pour toi et je vais jamais te laisser. T'inquiète pas, baby, je vais pas te blesser. J'aime pas regarder ailleurs parce que t'es la seule. C'est toi, ma cendrillon, qui me donne le bonheur. Quand tu me regardes et puis quand tu souris. Dawame ou Benza, mana ou Mouzouri. Weli wa wela kuhono, konere me amana bote. Wajana wa me kuhoro, konami ya otaforte. Kati jono pevoni, nana konere me mana beze. Bote la holoni jivia, dawame tahanu lole. Sa beauté extérieure, venez tu me sorcelles, je ne peux me séparer de toi. Je ferai de toi ma reine, on ira visiter Rennes. Laisse-moi te faire rêver, je t'offrirai tout mon cœur. Je te donnerai des baisers toutes les nuits, tous les jours. Je ne fais que penser à toi, tellement t'as fait vibrer tout au fond de mon cœur. L'amour que je sens pour toi est si beau et sincère. Ta beauté m'envahit dans mes rêves, dans mes sommeils. Brille comme le soleil, cette lumière qui m'enterre. Bébé t'es ma lumière, imagine toi et moi ensemble au paradis, oui c'est toi le beurre. Veni wa wela kuhono, konere me amana bote. Wajana wa mi kuhoro, konami ya otaforte. Kati jono pevoni, nana bote me mana beze. Wode la holo ni jibia. Matu yangu buwa, wini nisu venza Dema lady, wawede muzuri Wawede fere langu, bebe nisu venza Wawede roo yangu, wawede nyora yangu Melala wami uhora Weni wawele tuhono, konereme ya mwana bote Pojana wami tuhoro, konami ya otaforte Kati jono pevoni, nana konereme mwana beze Wodela holoni jivia, dawami tahanu lole Weni wawela tuhono, konere mea mwana bote Wajana wame tuhoro, konami ya otaforte Kati jono pevoni, nana konere mea mwana beze Wodela holoni jivia, dawami tahanu lole.